Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Je peux pas, j'ai patrimoine. La dernière fois dans cette émission, on vous proposait une première partie de notre échange avec Anna Brisson, guide conférencière au Pays Loire-Touraine. Une discussion tellement riche eh bien, qu'on a dû la scinder en deux. On a donc d'abord parlé de la conférence consacrée à l'art roman qui s'est tenue le 29 janvier à Saint-Martin-le-Beau et qui a rencontré, on peut vous le dire, un véritable succès. Aujourd'hui, on vous propose la seconde partie de cet échange. On change d'époque, on prend un peu de hauteur, direction l'architecture gothique et néo-gothique, à l'approche de la prochaine conférence qui se tiendra cette fois le 26 février et ce sera à Vouvray. Installez-vous, ouvrez grand les yeux, même si c'est à la radio. Maintenant, on va parler du 26 février à 18h, une conférence qui sera cette fois salle Lila du bâtiment Vallès-Fleur à Vouvray et qui se penchera sur le gothique et néo-gothique. Alors, même question que tout à l'heure, quelle est la particularité architecturale spécifique au gothique et néo-gothique, Anna ? Oui, alors déjà, on va vraiment scinder gothique et néo-gothique, parce que le gothique, c'est dans la continuité de l'art roman, on est toujours au Moyen-Âge, et le néo-gothique, on est au 19e siècle. Donc, il y a un espace-temps entre les deux. Du coup, Marlène, si tu en es d'accord, on va parler vraiment du gothique et de son lien avec le roman. Et puis, à la toute fin, on fera une petite incartade néo-gothique, parce que c'est quelque chose d'un peu curieux, et Cathy, titre personnel, j'aime beaucoup. Voilà. Il faut déjà imaginer que l'art gothique n'est que le prolongement de l'art roman. Mm-hmm. Vraiment, les deux se suivent. On retrouve donc les arcs voûtés. Alors, on retrouve des portails, on retrouve des voûtes dans les églises, on retrouve du décor sculpté, mais il y a quand même une différence. Ce qui se passe, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que nos constructions romanes, elles ont des murs très épais, avec très peu d'ouvertures. Elles peuvent parfois servir nos églises de lieux de refuge en cas de conflit. Donc, c'est vrai que ce sont des bâtiments de petite taille, pas très très haut, pas très très vaste en termes de surface, peu lumineux, donc plutôt sombre. Et c'est un petit peu en contradiction avec l'esprit vraiment spirituel de la religion chrétienne. On a l'abbé Suger, qui est en place à l'abbatiale Saint-Denis, dans le nord de Paris, qui va nous donner l'idée de lux maxima. On revient au latin, mais là c'est hyper facile. Lux, c'est la lumière, maximum, maxima, maximum. Il faut faire entrer un maximum de lumière dans les églises. Pour quelle raison ? C'est que la lumière dans l'église, c'est le symbole de la présence divine. Dans nos églises romanes, cette lumière, cette luminosité, elle est assez faible. Donc on va essayer d'améliorer la technique de construction pour permettre d'avoir des percements de baies d'ouverture plus grandes qui ainsi permettront de faire rentrer plus de lumière dans les églises. Mais c'est vrai que quand on pense à des églises ou même des petites chapelles très très anciennes, alors là je pense au cœur même de la Bretagne, dans le fin fond des terres, les Côtes d'Armor par exemple, pour les connaître assez bien, on est vraiment effectivement très cloisonné, avec très très peu de lumière. Exactement, et c'est en fait un art fantastique que l'art roman, mais on a souhaité vraiment à un moment pour élever la spiritualité, faire rentrer un maximum de lumière. Et en fait c'est cette idée qui a créé une contrainte architecturale. Il a fallu trouver une solution. Mais de cette contrainte est né un nouvel art, qui est l'art gothique, l'architecture gothique. L'introduction du vitrail. Parce que qui dit faire entrer un maximum de lumière, ça veut dire ouvrir de grandes baies. Mais ces grandes baies, il faut empêcher le vent, la pluie, la neige, les grêlons, tout ce qu'on veut de rentrer, protéger un petit peu des intempéries extérieures. Donc l'art du vitrail, tu as entièrement raison, a pu véritablement se développer avec cet art gothique. Comment faire ? Parce que si on a des murs très épais, on ne peut pas faire de grandes ouvertures. On a les contreforts qui sont là pour éviter que les murs ne s'écartent. On se souvient les voûtes en berceau en pierre qui sont très massives, très très lourdes. Donc nos contreforts, ils sont hyper importants. Il va falloir alléger le tout. Les murs porteurs quelque part en fait. Oui, c'est ça. Il va falloir alléger le tout. Et l'allègement du tout, il va se faire avec l'utilisation systématique de l'arc brisé. Et oui, en fait, l'arc brisé va permettre de créer des voûtements différents. On va passer de la voûte en berceau, ce long tunnel en demi-cercle, très très très joli, mais très massif et très très lourd, dont la masse vient reposer sur l'intégralité de la surface du mur latéral. On va passer à la voûte sur croisée d'ogives, où là, le poids, la masse de la voûte, va être répartie sur des arcs qui se croisent de manière régulière. Donc, quand on entre dans une église avec une voûte gothique, on va lever la tête et au-dessus de notre tête, on va voir des sections, des portions qu'on appelle des travées des bâtiments, avec à chaque fois deux arcs qui viennent se croiser. Vous l'expliquez très bien, on visualise tout à fait. Là. C'est vrai. Donc, on en a un premier, puis on avance dans la nef, un deuxième bloc avec, pareil, deux arcs qui se croisent, parfois une troisième travée, etc. Et donc, ces voûtes s'appellent les voûtes sur croisée d'ogives, parce que le mot ogive, c'est un synonyme pour dire arc brisé. Donc, on a deux arcs qui se croisent, et les voûtins, qui sont les parties qui remplissent, qui ferment la voûte, ont leur masse, leur poids, qui va reposer sur ces arcs qui se croisent. Et ces arcs qui se croisent, si notre regard de la voûte descend le long du mur, ces arcs qui se croisent descendent au niveau de colonnes ou de piliers. Et du coup, la masse, la force, n'est envoyée que sur ce pilier et pas sur la surface du mur à côté. Donc, on peut se permettre de belles ouvertures. Exactement. Eh oui. En fait, on a dirigé les poids, les masses en des points très spécifiques de la surface murale, sur des colonnes ou sur des piliers. Le reste de la surface murale est libre. Elle n'a plus tout ce poids qui lui repose dessus. On va pouvoir ouvrir de grandes baies. Et ces baies, on va les ouvrir également avec un arc brisé, parce qu'on abandonne vraiment presque systématiquement l'arc en plein cintre pour l'arc brisé. Et dans ces arcs brisés, dans ces baies, on va bien sûr poser, installer de très très beaux vitraux. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique architecturale très importante. C'est la volonté de faire entrer la lumière qui nous a fait travailler sur la technique. Et on va pouvoir ouvrir de grandes baies, faire rentrer la lumière et poser des vitraux. Alors tout ça, ça va aussi de pair et de fait avec, à cette époque, fin du XIIe siècle, XIIIe, XIVe et XVe siècle, les villes s'agrandissent, les échanges commerciaux s'intensifient entre ces grandes villes, entre les différents territoires. On a les innovations techniques qui vont se diffuser grâce à ces échanges encore plus vite. On a un bouillonnement intellectuel, un bouillonnement technique. Et puis, les monarchies de l'Europe, les monarchies européennes, elles vont développer leurs administrations, renforcer aussi leur pouvoir. Et l'architecture, c'est une manière ostentatoire montrer qui on est. Le clergé, par la construction de très belles églises et de magnifiques cathédrales, va montrer à quel point il est puissant, véritablement. Et alors, si l'art roman découle évidemment du peuple romain, l'art gothique, les Goths, un peu aussi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est une bonne idée. J'explique rapidement. En fait, l'arc brisé, il était déjà aussi connu et employé à l'époque romaine. C'est simplement qu'avec l'an 1000, on a choisi de mettre en avant l'arc en plein cintre, qui était aussi peut-être un petit peu plus facile techniquement à mettre en place. On utilisait beaucoup plus rarement l'arc brisé durant l'Antiquité avec l'art des Romains. On l'a un tout petit peu utilisé néanmoins à l'époque romane. Mais par contre, là vraiment, il va prendre sa place entière avec l'époque gothique. Donc l'art gothique découle de l'Antiquité également. C'est simplement qu'on a utilisé une autre manière de construire que les Romains avaient un tout petit peu développé, mais moins que l'arc en plein cintre. Et pourquoi il prend ce nom de gothique? C'est vrai que c'est une super question parce qu'on se dit, ça nous vient des Goths. Alors, dans le nom... Des Goths, je dis les Goths. Moi. Ah oui. Les Goths, pardon, excusez-moi. Je pense qu'on peut dire les deux sans trop d'erreur. C'est vrai qu'on va penser aux Ostrogoths, aux Visigoths. Ouais. Donc voilà. Et alors, ce nom de gothique, il date à environ du XVIe siècle et ce sont les Italiens qui ont donné ce nom de gothique. Et alors, il est très péjoratif. Parce que les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, ce sont les barbares, les envahisseurs. Voilà, donc on l'a appelé l'art gothique parce que c'était un art considéré un petit peu comme barbare. Auparavant, il avait un autre nom. Donc mal aimé, finalement Oui, au départ, un petit peu décrié et assez mal aimé. Au départ, il avait un autre nom, moins péjoratif. On l'appelait l'opus francigenum. C'était l'art des Francs, l'art des Français. C'était la manière de construire des Français. Voilà. Et un peu plus tard, on lui a donné ce nom de art gothique, qui, à l'origine, était donc un peu péjoratif, qui ne l'est plus aujourd'hui. Enfin, voilà. Ce sont deux arts différents qui se suivent, se succèdent en histoire de l'art, en histoire de l'architecture. Et l'art roman et l'art gothique sont tous les deux hyper intéressants et nous ont donné tous les deux des petits trésors, des petits bijoux et des chefs-d'œuvre. Voilà. Alors, Cet art gothique, je le disais, on va avoir une véritable volonté ostentatoire avec des pouvoirs très importants qu'on veut signifier grâce à l'architecture. Comme je l'ai fait un petit peu plus tôt pour l'art roman, je peux citer quelques édifices à travers la France qui peuvent peut-être vous dire quelque chose. Mm-hmm. La basilique Saint-Denis avec l'abbé Suger. Évoquée tout à l'heure, et son luxe maxima très importante. Bon, bah, les cathédrales, hein. Saint-Étienne de Sens. Alors, tout de suite, quand tu parles de lumière, évidemment, on pense cathédrale. Ben oui. En fait, c'est vraiment l'idée de faire rentrer un maximum de lumière et aussi d'avoir un édifice plus haut qu'un édifice roman. Parce qu'encore une fois, en termes de symbole, plus l'édifice va être haut, plus il va toucher les cieux. Mais oui. Et l'aspect céleste de la spiritualité est très très important. Donc, plus c'est haut, mieux c'est. Plus c'est lumineux, mieux c'est. Mmh. Eh oui. Donc, et ça veut dire qu'à l'époque, les autres édifices qui existaient déjà et qui, eux, étaient s'inscrivaient plutôt dans l'art roman, donc plus fermés, plus sombres, ils étaient un petit peu délaissés finalement. Alors, ils n'étaient pas délaissés, mais la plupart du temps, avec des augmentations qu'on connaît de la population à la fin du Moyen-Âge, on va avoir des agrandissements d'édifices romans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous visitez une église en Touraine, il y a bien moyen qu'il y ait encore un petit témoignage de l'art roman. Rares sont les églises purement romanes et entièrement romanes conservées. Elles conservent des éléments romans, mais la plupart du temps, elles ont été agrandies, modifiées au 15e, au 16e siècle. Donc, elles vont comporter des caractéristiques romanes en certains endroits, mais aussi des caractéristiques gothiques. Ouais, donc on les a pas délaissées, on les a transformées, on les a mises à la mode, au goût du jour, à l'époque. Eh oui, mais ça se fait ça beaucoup. Ça change pas ça. Hein. Maintenant, on aime moderniser. Donc on a quelques nouvelles constructions, mais ce sont souvent plutôt des églises romanes qui sont modernisées. Pour les cathédrales, souvent on avait aussi des sanctuaires romans qui ont été parfois complètement reconstruit à l'époque gothique, parfois extrêmement transformé à l'époque gothique. Donc oui, hein, les grands chantiers de cathédrales, Saint-Étienne de Bourges, Notre-Dame de Paris, voilà. Et puis on va avoir, un petit peu plus proche de chez nous, l'abbatiale de la Trinité de Vendôme, hein, par exemple. Mais les chantiers des cathédrales, ce sont vraiment des chantiers hyper impressionnants. Parfois, on a tellement voulu voir grand qu'on a eu des effondrements et des chantiers qui se sont arrêtés. Je pense à la cathédrale de Beauvais, par exemple. Là, on avait vu un petit peu trop grand. Ah ouais. Eh oui, ça arrive. Au prix de combien de sacrifices humains, on imagine aussi. Oui. Oui, oui, les conditions sur les chantiers étaient particulièrement éprouvantes. Et puis, ce sont des chantiers de longue haleine, hein, sur plusieurs dizaines d'années. Une cathédrale, ça ne se monte pas en 5 ans, bien sûr. Ça ne se monte plus, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a quelques édifices qui ne sont pas religieux sur le territoire, qui sont intéressants à mentionner, avec, encore une fois, ce pouvoir qui se met en avant. Je pense au Parlement de Normandie. À Rouen, c'est un des plus importants édifices civils de style gothique vraiment en France, qui permettait d'abriter la haute cour judiciaire et financière et qui a été transformé en parlement en 1515. Donc voilà, le Parlement de Normandie à Rouen. Et puis plus proche de nous, le palais Jacques Cœur à Bourges. Bourges qui est une ville d'art et d'histoire et qui voilà, avoir ce très beau palais pour l'argentier du roi de Charles VII qui a été construit aux alentours des années 1450. Dans un style gothique qui est le gothique flamboyant. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a plusieurs gothiques, sinon ce serait trop facile, Marlène. Alors, souvent, on va parler à partir des années 1140-1150 du gothique primitif. On va avoir ensuite le gothique classique. La plupart des cathédrales ont été édifiées à cette époque-là. Puis le gothique rayonnant. Alors lui, il se caractérise beaucoup par la forme, et c'est là que c'est compliqué, arrondi au niveau des ouvertures des fenêtres, surtout pour les roses, les rosaces. Voilà, tu vois, ça rayonne. Donc on imagine des choses avec vraiment un centre, et puis ça rayonne sur les côtés. Et on termine sur la dernière partie du 15e siècle avec le gothique flamboyant, qu'on appelle également le gothique tardif, où là les formes vont être beaucoup plus pointues, ressemblant à des flammes, des flamèches. Voilà. Bon, après, là c'est vraiment rentrer dans les détails que vouloir spécifiquement identifier de quel gothique on parle. Si déjà on sait que c'est de l'architecture gothique, c'est pas mal du tout. On est d'accord. Vraiment. On ne va pas devenir historien de l'art en écoutant cette chronique, bien qu'on y apprend vraiment des multitudes de choses. C'est toujours aussi passionnant de t'écouter, Anna. Bah, c'est juste que j'aime ça, j'ai de la chance. Mais oui. Non, mais je précise aux auditeurs qu'elle est arrivée en me disant « j'ai pas trop révisé, j'ai pas trop relu mes notes ». Non, mais voilà, on connaît ce discours-là. À chaque fois, on a une émission géniale. Ah, c'est gentil. Mais il faut dire que les conférences sont pour l'une dans quelques semaines au moment où nous enregistrons et pour l'autre carrément dans un mois et demi. Et que bah, j'ai tout plein de recherches en cours. Donc je n'ai pas encore plongé à fond, mais ce sont des sujets de fond qu'on traite très régulièrement. Donc c'est quand même quelque chose qui reste dans mon esprit. Quand tu dis que tu as des recherches en cours, ça veut dire que entre le moment où tu vas faire une conférence sur l'art roman, le gothique, néo-gothique, à un instant T, et que tu refais ça 3 ans après, tu as des éléments nouveaux. Alors tout simplement parce que entre-temps, j'ai étudié d'autres édifices ou j'ai appris quelque chose de nouveau, ou aussi tout simplement les recherches au niveau national ont pu évoluer. Donc des petites infos en plus. Donc j'ai toujours... C'est génial. Je garde toujours tout en tête en me disant... Oh, ah, attention, une nouvelle info, au moment où je reparlerai, par exemple, du gothique, il faudra que j'ai ça en tête. Donc, il y a ça. Parce que quand on parle du XIIe siècle, on se dit que des nouveautés, c'est le XIIe siècle. C'est tout simplement de nouvelles informations suite à de nouvelles études qui ont été menées, que ce soit des études par notre collègue Arnaud, Arnaud Poqueton, qui travaille pour l'inventaire, mais parfois aussi des études sur le plan national. Quand on est un petit peu fan d'architecture, on est abonné à plein de newsletters autour du patrimoine et de l'architecture, et les collègues... peuvent de temps en temps tomber sur des petites pépites et relayer les infos. On imagine les pauses café au Pays Loire-Touraine, on imagine les discussions autour de la machine à café. Là, par exemple, Marlène, tu vois, en ce moment, il y a de grandes études qui sont menées sur la cathédrale de Chartres, sur les peintures murales. Parce que c'est vrai qu'on a une image de nos églises médiévales avec peut-être des murs blancs. Non, c'est pas le cas. La peinture murale, elle tient une place très importante, que ce soit à l'intérieur des édifices, et là c'est un peu plus nouveau, mais aussi à l'extérieur des édifices. Nos églises, elles étaient colorées de partout. Il n'y avait pas que les vitraux qui faisaient couleur. Wow. Donc moi j'ai hâte, voilà. Mais ça c'est jamais illustré, enfin on voit très peu de... En fait, c'est sincèrement qu'il y a très peu de réminiscences de polychromie, donc de traces de couleurs sur les murs ou sur les surfaces, les murs extérieurs. Donc c'est difficile, il a fallu qu'à un moment... quelqu'un trouve un petit bout de peinture murale et se dise « Mais attends, pourquoi il y a de la peinture ici ?»« Ah, mais en fait, il n'y en avait pas que là !» Et voilà, et puis, comme les modes se sont succédées, parfois on fait table rase du passé, on efface, on recouvre. Oui. Donc, c'est pas toujours facile de savoir. Donc, nous, aujourd'hui, on connaît des choses et j'espère sincèrement que dans 50 ans, on en saura encore plus et que peut-être on sera capable de dire « Ah, Anna, ce jour-là, elle a dit une bêtise. » Alors, c'est une bêtise aujourd'hui parce qu'on a de nouvelles connaissances. À l'époque, avec les informations à sa disposition, ça n'en était pas une. Mais c'est chouette d'apprendre de nouvelles choses et se dire que voilà, ce qu'on sait aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on saura toujours. Il y a de nouvelles recherches et donc de nouvelles connaissances qui apparaîtront. Et c'est tant mieux. Mais carrément. On pourrait peut-être, si tu en es d'accord, évoquer quelques exemples d'architecture ou d'art gothique dans nos églises du Pays Loire-Touraine, parce que j'ai donné de grands exemples. Mais j'allais te demander les édifices particuliers du coup, qui relatent cet art gothique dans notre décor de Touraine. Oui, tout à l'heure j'ai évoqué rapidement le chevet de l'église Saint-Christophe de Bléré, qui est un chevet roman. Et juste à côté du chevet, on a une magnifique baie gothique, presque gothique flamboyant, gothique tardif, c'est vraiment à côté. Un chevet roman avec des modillons sculptés du XIIe et juste à côté une magnifique baie de la deuxième moitié du XVe siècle. C'est simplement qu'à cette époque-là, le seigneur de Bléré, qui s'appelait Pierre Bérard, avec son épouse Jeanne Chérité, ont fait construire une chapelle qui était accolée au chœur. Cette chapelle construite dans la deuxième moitié du XVe siècle, elle a suivi la mode de la deuxième moitié du XVe siècle. Donc, on a une très belle baie, avec... Un mélange de style. Exactement. Je ne l'ai pas précisé, mais quand vous avez ces baies gothiques avec un arc brisé, elles sont assez grandes. C'est tout le principe du gothique, de faire rentrer la lumière. Donc, les baies sont assez grandes. Souvent, on a des subdivisions en pierre à l'intérieur de la baie. Quand on a plusieurs petits morceaux de baies verticaux les unes à côté des autres, ça s'appelle des lancettes. Mmh. Et la partie supérieure qui ressemble un petit peu à une dentelle de pierre s'appelle le remplage. Donc c'est souvent le remplage que l'on regarde pour voir si on a des formes bien pointues et savoir si c'est du gothique tardif, du gothique flamboyant, ce qui est le cas à Bléré pour cette chapelle de Pierre Bérard. Voilà. Et quand tu fais tes conférences, tu projettes des images, j'imagine, parce que là, on a complètement. C'est le principe même de la conférence. Ouais. Mmh. Vous me voyez dans un petit coin de la salle en pénombre. J'ai mon ordinateur devant moi et en fait, je vous propose un diaporama. Alors, il faut avouer que moi, j'aime beaucoup les images. Donc, j'en montre énormément. Oui, c'est toute l'idée. C'est qu'en fait, on comprend grâce au visuel. Là, aujourd'hui, nous sommes à la radio. Alors, j'essaie d'expliquer le mieux possible. Ah, mais c'est super bien fait, vraiment. Ah, non, c'est pas parce que c'est toi, Anna, mais vraiment, on y est, on se projette, on se balade dans les églises. Mais venez voir les images, c'est encore plus parlant. Voilà, c'est... Et puis souvent, quand on a vu une fois, deux fois, on est capable de repérer tout seul une troisième fois. Donc c'est ça qui est chouette. On apprend en regardant. En restant à Bléré, on sort de l'édifice religieux, mais notre même Pierre Bérard s'était fait construire un grand logis, un logis seigneurial de style gothique. Donc c'est comme l'art roman, on a beaucoup d'architecture religieuse, mais pas que, on a aussi un petit peu d'architecture civile. Et tu nous as dit, cet art-là, il va jusqu'à quelle époque à peu près ? Alors, c'est la particularité de l'art gothique. Grossièrement, ça s'arrête avec l'arrivée de la Renaissance au début du XVIe siècle. Donc il va couvrir grossièrement de 1140-1150 jusqu'à 1500. Tout ça, c'est l'art gothique. Mais attention, il ne disparaît pas complètement à la faveur de l'architecture Renaissance, parce que quand la Renaissance est introduite chez nous, dans les années 1500, au début du XVIe siècle, on va la voir se concentrer principalement sur les édifices civils, sur les châteaux. Les églises, elles sont déjà toutes construites. Donc, très rares sont les églises construites à l'époque de la Renaissance. Et en plus, on n'abandonne pas complètement l'arc brisé. Mmh. Donc, souvent, quand on a un édifice de la Renaissance ou avec des transformations 16e pour les églises, on va conserver quelques éléments gothiques identifiables. Ouais. Un arc brisé, un remplage qui est encore un remplage gothique. Donc, ça décline au début du XVIe siècle, et après, on ne verra plus du tout d'art gothique à partir du milieu du XVIe. Donc ça veut dire que notre ami Léonard, bien connu à Amboise, évidemment, avec toute sa culture italienne qu'il a embarquée dans son baluchon, lui, il était plutôt sur les constructions qu'il a pu faire, donc en 1500, enfin, la fin du XVIe siècle, je ne vais pas dire de bêtises. Alors, en fait, il est décédé en 1519, donc il décède plutôt au début du XVIe siècle. Ça, c'est une particularité si on parle de Léonard, parce que Léonard est donc italien. Ouais. Et en Italie, au XVe siècle, alors que nous, on est en pleine architecture gothique, eux sont déjà en architecture renaissance. Okay. Donc, Léonard connaît l'architecture renaissance italienne. Il vient vivre en France, donc il a une connaissance de l'architecture gothique et il voit arriver le style renaissance en France. Donc on essaie d'adopter les styles de la renaissance italienne, mais on a du mal à s'affranchir de 3 siècles et demi d'architecture gothique, c'est un petit peu compliqué. Léonard a plus dessiné qu'il n'a fait finalement réaliser de construction. Mmh. Voilà, même si c'est vrai, il a un nom d'architecte. Lui, c'est un architecte italien de la Renaissance italienne. Renaissance française et italienne n'ont pas lieu en même temps. Chez nous, c'est encore le gothique. Voilà. Il a vécu au château du Clos-Lucé, qui s'appelait le manoir du Clou, qui était un très très beau logis gothique. Ah ouais, voilà. Ok. C'était la petite parenthèse. De temps en temps, je lui tends un piège comme ça. Allez hop, je lui pose des questions absolument pas prévues, bien que les autres ne le soient pas non plus, je le précise, mais voilà, on bifurque. Mais bon, c'était bien de parler de notre Léonard national. C'est vrai. Et une chose qu'on n'a pas précisé, c'est que tous ces arts qui vont succéder. Aujourd'hui, on se concentre sur l'art roman, l'art gothique, mais il n'y a pas que ça. La Renaissance, le classicisme, le baroque, ou même, voilà, ça ne s'arrête jamais du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à se dire « Bon, bah stop, fini le roman, c'est fini, on ne veut plus en entendre parler, maintenant, l'art gothique est à fond, l'arc brisé et les voûtes sur croisées d'ogives. » Non, les connaissances, les savoirs, ils se transmettent petit à petit au gré des chantiers. Donc si vous voyez l'architecture gothique naître plutôt dans le nord de la France, aux alentours du milieu du XIIe siècle, il va falloir quelques années, quelques dizaines d'années pour que ce soit diffusé sur l'intégralité du territoire. Mais oui, puis donc, ça n'allait pas aussi vite que maintenant, mais c'est ça. On ne s'envoyait pas un petit mail. Quand à un endroit, on a le chantier d'une cathédrale gothique, on peut avoir à un autre endroit encore le chantier d'une église romane. Mmh. Et oui, c'est normal. Mmh. Et du coup, c'est pareil, le gothique ne laisse pas sa place du jour au lendemain à l'architecture renaissance, etc. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que c'est important à préciser. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu plus long en plus en architecture qu'en mode vestimentaire. En mode vestimentaire, tous les un an, tous les deux ans, hop, s'il y a de grandes révolutions. En architecture, ça prend un peu plus de temps. Oui, on ne joue pas avec les mêmes matières. C'est ça. qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme beaux exemples chez nous? Ah oui, on va avoir par exemple l'église Saint-Aignan d'Épinier-les-Bois. Donc là, on descend, vallée du Cher, sud de notre rivière, rive gauche du Cher. Et sa nef, la nef de l'église Saint-Aignan, c'est une très belle nef du XIIIe siècle. Et on a de la chance car elle a été étudiée par une chercheuse, collègue d'Arnaud Poqueton, qui s'appelle Martine Lenné. Et elle a pu faire réaliser une dendrochronologie au niveau des charpentes. C'est-à-dire? Ah, c'est fastoche. Dendros, en grec, c'est l'arbre, le bois. Ok. Chronologie? Chronologie. Ah, okay. D'accord. En fait, on va réaliser des prélèvements des carottes de bois dans les poutres maîtresses de la structure de la charpente. Ces carottes, elles vont être analysées par des chercheurs dont c'est la spécialité, hein, la dendrochronologie. Ils vont regarder quelque chose qu'on sait tous faire, c'est regarder les cernes du bois. Quand un arbre est coupé, un tronc est coupé, on compte les cernes. Bah là, eux, ils vont regarder dans ces carottes de bois les espaces entre les différentes cernes, selon l'essence du bois, selon l'arbre, du chêne, du châtaignier, etc. Et selon les espaces qu'ils arrivent à mesurer, ils sont capables de déterminer à quelques mois près, c'est une science très précise, l'année de coupe d'un arbre. Et à cette époque-là, au Moyen-Âge, un arbre coupé était généralement mis en œuvre dans l'année. Donc souvent l'année durant laquelle on a coupé l'arbre correspond à l'année durant laquelle on l'a utilisé. Alors ça veut dire que Madame Lenné, elle a pu réaliser ça récemment, c'est-à-dire que jusque-là on ne savait pas trop. Alors jusque-là on imaginait, parce qu'au coup d'œil on est capable de se dire oui cette charpente elle est très ancienne, peut-être s'agit-il de la charpente d'origine, donc bah, probablement 13 ou 14e. Ah ouais, donc il y a l'habitude hein, de le coup d'œil, et ensuite c'est grâce à ces prélèvements et l'étude de ces prélèvements qu'on a eu confirmation. Voilà. Mais souvent, c'est ça. Hein, pour les datations, pour le bois, on a une forte intuition parce que l'analyse stylistique nous permet de nous dire « on pense que ». Oui, mais cela dit, comme tu le soulignais juste avant, est-ce que c'est la construction d'origine aussi? Est-ce qu'il y a eu un incendie à une époque, une destruction, une reconstruction? Et voilà, tout à fait, il peut y avoir plein de choses. Et puis par exemple, une charpente au coup d'œil, entre une charpente du 15e ou du 16e, ce n'est pas toujours évident. Mmh. Alors qu'une dendrochronologie peut permettre vraiment d'affiner, tu vois, à quelques mois près. Donc ça, c'est hyper, hyper chouette. Wow. Et donc bah, là, on a une très belle nef avec une charpente du XIIIe siècle qui sont conservées à Saint-Aignan d'Épinier-les-Bois, par exemple. Un peu plus tardif, la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise. Ah oui, évidemment. Ah oui, alors récemment restaurée. On parlait de Léonard il y a quelques instants. Et oui, alors elle est édifiée à la toute fin de l'art gothique de l'époque médiévale, entre 1491 et 1496, sur ordre du roi Charles VIII, sur les bases d'un ancien oratoire qui lui était dédié à Saint-Blaise. Mais c'est vrai que c'est fantastique. Et aujourd'hui, on a des vitraux modernes réalisés par Max Saint-Grand, puisque les vitraux ont été soufflés, mais vraiment c'est une très très très très belle chapelle gothique. Mais là on parle de lumière, mais quand on rentre dans la dans la chapelle, la lumière elle est magnifique. C'est magnifique. Fantastique. Pour les auditeurs, si vous avez envie d'avoir une image d'un édifice parmi les plus lumineux, moi je pense tout de suite à la Sainte-Chapelle de Paris. Vous entrez dans la Sainte-Chapelle, alors il y a la chapelle basse et la chapelle haute, vous entrez dans la chapelle haute, il n'y a quasiment que de la surface vitrée. Ce n'est qu'un vitrail autour de nous, il n'y a que les fines colonnes sur lesquelles reposent les voûtes surcroisées d'ogives qui sont de la surface de pierre, sinon ce n'est que du verre autour de nous. C'est un exercice mais fantastique que la réalisation de cette Sainte-Chapelle de Paris. Voilà. Si vous devez un jour sortir de Touraine pour aller visiter un édifice gothique, alors je ne sais pas, montez à Paris, vous faites un arrêt à Chartres, Et puis vous allez à Notre-Dame et à la Sainte-Chapelle. Voilà. Ça, ce serait une chouette... Le Pays de Loire-Touraine va bien au-delà du Pays de Loire-Touraine avec Anna, vous voyez. Je n'ai pas parlé d'un édifice chouette, un édifice curieux. C'est la Grand Maison de Saint-Laurent en Gâtine, qui est une maison forte construite en 1494. Tu en parles régulièrement de ce lieu. Oui, on l'aime bien. Je connais pas. Que mais... ce soit Lauriane ou moi, on a un petit coup de cœur pour cet édifice. Ouais. C'est pas la première fois que ça résonne, ça. Hein. Ah oui. En fait, ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment une maison forte qui a été construite pour les abbés de Marmoutier qui étaient seigneurs à l'époque. Et c'est un très, très, très, très haut logis avec un pignon qui culmine à 28 mètres de hauteur. C'est un plan quadrangulaire très, très massif. Voilà, donc c'est un gros carré presque, avec une architecture, avec l'utilisation de la brique et de la brique polychrome fantastique. Donc voilà, une maison forte de l'époque médiévale, voilà, de l'art gothique, mais sur un édifice un peu différent des églises dont on a un petit peu plus l'habitude. Voilà. Et puis on peut évoquer très rapidement l'ancien château de Sigonier qui a sa tour qui a été construite au XIVe siècle et on voit encore un petit trilobe, vous savez c'est comme un trèfle à trois feuilles qu'on repère souvent les églises. Oui. Bah voilà, le trilobe, ça c'est le gothique rayonnant que j'évoquais tout à l'heure avec les roses et les rosaces. On a la grange aux dîmes de Négron du XVe siècle, bah ouais, c'est superbe également, voilà. Magnifique. Le vieux palais de Limeray. Ah oui, un palais de justice, un auditoire de justice, voilà. À Limeray. À Limeray, fin 13e, début 14e. Alors là, il faut aller suivre notre collègue et ami Willy Melcharek en visite. Il intervient de manière régulière pour le Pays Loire-Touraine. Pour me permettre de prendre des jours de repos, je peux l'avouer à nos auditeurs. Et c'est lui qui officie sur Limeray. Et là, fantastique palais de justice, vieux palais de Limeray, par exemple, voilà. Et puis... c'est de l'architecture, mais tout comme l'art roman, il y a aussi une déclinaison avec d'autres arts. La sculpture est mise à l'honneur avec l'art gothique. Alors autant avec l'art roman, on était sur une sculpture qui était à base de moyens reliefs, bas-reliefs parfois sur les surfaces murales, les tympans ou les chapiteaux des colonnes. Là, avec l'art gothique, on va plutôt s'intéresser à la ronde bosse. Alors la ronde bosse, c'est vraiment la sculpture comme une statue. On peut entièrement en faire le tour, ça n'appartient pas à une surface murale. Okay. Voilà, ça se détache complètement. D'accord. Et on va avoir vraiment énormément d'œuvres statuaires créées avec cette époque gothique sur la deuxième partie, on va dire même la troisième partie du Moyen-Âge. Je vais penser à une très belle Vierge à l'Enfant, à Saint-Laurent en Gâtine, en bois polychrome du XIVe siècle. Voilà. Et puis, elles sont remarquables, je ne peux pas ne pas les citer, les stalles, les magnifiques stalles qui proviennent d'une ancienne abbaye qui s'appelait l'abbaye de Fontaine-les-Blanches, qui était présente sur le territoire à Autrèche. Eh bien, les stalles de cette ancienne abbaye ont été démontées et on les retrouve aujourd'hui, de manière parcellaire mais avec de beaux exemples, dans les églises de Noisey, de Possé. Alors là, c'est fantastique. Les stalles, si vous voyez si vous ne voyez pas ce que c'est ? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah, alors, petit point stalles. Stalles. Les stalles, déjà, ce sont des chaises, des bancs en bois que l'on va retrouver généralement placés perpendiculairement aux bancs ou aux chaises réservées aux fidèles. Donc, ce n'est pas placé dans le même sens. Quand vous entrez dans l'église, vous voyez l'arrière des chaises, l'arrière des bancs. Ah ouais, ça y est. Les stalles, elles, on en reverrait leur côté. Elles sont placées le long des murs et la plupart du temps, on les retrouve au niveau du chœur parce qu'elles sont réservées au clergé. Eux ont le droit de s'approcher jusque dans le chœur pour assister aux offices. Et alors, c'est particulier, la stalle. Donc, il y a un dossier et il y a une petite assise qui forme une chaise. Mais si vous relevez l'assise, il y a pas de pot de chambre. Non, promis. Par contre, il y a une petite tactique, c'est quand on relève l'assise, il y a quelque chose qui est en surépaisseur et qui va créer une sorte de mini assise qui permet de se mettre, vous savez, de se poser les fesses, mais en restant debout. Mmh. Il y a ça dans les gares parfois encore aujourd'hui. C'est ah, juste pour permettre de se reposer, mais en restant debout. Parce que les cérémonies duraient très longtemps. Et voilà. Et notre clergé, il assistait jusqu'à 6 ou 7 cérémonies par jour. Il n'était pas très, non plus très jeune. Voilà. Donc quand il y avait besoin de se lever dans les offices, c'est régulier. On s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève. Bah, en fait, on se lève, mais on se repose le bout de la fesse sur cette partie-là. Et cette partie, elle est un petit peu proéminente, pour, parce qu'il faut une mini-surface quand même pour poser ses fesses. Oui. Et donc, en dessous, il y a une sculpture de bois qu'on appelle la miséricorde. Et les miséricordes sculptées des stalles de noisets et de possés sont fantastiques. Wow. On retrouve des chauves-souris, on retrouve des créatures fantastiques, on retrouve encore une fois des visages un peu comme ce qu'on aurait pu retrouver sur les modillons sculptés en pierre à l'époque romane, mais là, sur les stalles en bois à l'époque gothique. Donc si vous avez l'occasion de visiter ces églises, hein, Noisets ou Possés, bon, si vous visitez Possé avec moi, je vous emmène les voir, c'est sûr. Si on visite Noisets, c'est pareil, on ira relever les stalles pour observer les miséricordes sculptées en dessous des petits bijoux. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que l'architecture gothique, l'art gothique, c'est aussi un art pluriel et hyper intéressant sur la troisième partie du Moyen-Âge. Mais il y a un petit mais, c'est qu'on vous a dit avec Marlène qu'il y avait une conférence sur l'art gothique et l'art néo-gothique, et je n'ai pas encore parlé de l'art néo-gothique. Mais oui. Donc si vous m'accordez encore juste quelques minutes, c'est une petite curiosité. Ah mais on veut savoir, Anna, dis-nous. Alors, l'art néo-gothique, il va naître au XVIIIe siècle, plutôt en Angleterre, mais il va vraiment s'installer au XIXe siècle. L'art néo-gothique, c'est l'art de construire ou de parfois reconstruire des édifices en copiant ce qui s'est fait à l'époque gothique. Donc ce qu'on faisait entre la deuxième moitié du XIIe siècle et le XVe siècle. Ça a été possible parce que avec le XVIIe et le XVIIIe, on s'est désintéressé de l'art médiéval. Par contre, avec le 19e, on s'y intéresse de nouveau. Il y a un nouvel intérêt qui va naître autour de ce que l'on faisait au Moyen-Âge. Et cet intérêt, il va naître pour plusieurs raisons. En Angleterre, parce qu'on va se mettre à construire plus de 600 nouvelles églises au début du 19e siècle avec une loi qui s'appelle le Church Building Act, que ces églises, il faut les construire, donc on va s'inspirer de la plupart des églises qui existent, donc les églises médiévales, et souvent elles sont gothiques, on va copier le style, sauf que comme on n'est pas au 14e ou au 15e, on va pas pouvoir les appeler églises gothiques. On copie le style gothique, donc ça va prendre le nom de néo-gothique, le nouveau gothique. D'accord. Et puis, en France, on a des personnes qui vont véritablement s'intéresser à cet art du Moyen-Âge. Parmi ces personnes, je vais en citer quatre. Allez, rapidement. Arcis de Caumont, c'est un historien, un archéologue français, qui est le premier à organiser l'histoire de l'architecture en périodes distinctes, chronologiques, spécifiques. Et il est considéré, cet Arcis de Caumont, comme le père de l'archéologie médiévale en France. Il s'est vraiment intéressé au Moyen-Âge. Il a même publié, en 1841, l'histoire de l'architecture religieuse du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment son dada. Voilà. Il va y avoir aussi Prosper Mérimée. C'est un écrivain, un historien, un archéologue qui, en 1831, va être consacré inspecteur général des monuments historiques. Et il commence à faire recenser les ensembles architecturaux remarquables en France à partir de 1834. Et il va confier la restauration d'édifices en péril à un architecte qui est Eugène Viollet-le-Duc. Donc Eugène Viollet-le-Duc aussi va être très important pour ce style néo-gothique. Donc c'est un architecte qui a été très connu pour ses restaurations. Aujourd'hui parfois décrié, mais il faut imaginer qu'à l'époque il pensait bien faire. L'idée d'Eugène Viollet-le-Duc, je l'ai peut-être déjà dit dans un épisode précédent, ça me parle, c'était de construire ou de reconstruire tel que ça aurait dû être fait à l'époque. Si on copie le 14e siècle, en fait on va pas reprendre l'édifice tel qu'il était au 14e, on va le faire comme il aurait dû être avec les moyens, si on avait eu tous les moyens maximum de l'époque. Si par exemple une église avait été voûtée en bois au 14e, lui, Viollet-le-Duc, il va se dire, non, si on avait pu au 14e, on l'aurait voûtée en pierre. Donc, on va plutôt voûter en pierre. Mmh. Bon, ça, c'est son idée de l'époque. Son plus grand chantier, hein, c'est la cité de Carcassonne, par exemple. Et puis, ça va. Bonne rêve. Mal, hein. Et puis, un autre théoricien, c'est Jean-Baptiste Antoine Lassus, qui est un théoricien du gothique et qui insiste particulièrement sur le caractère porteur de l'ogive, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure avec l'architecture gothique. Voilà, c'est l'ogive qui porte, c'est pas la surface murale en dessous. Voilà. Et il a été architecte, restaurateur d'édifices et créateur d'édifices. Donc en France, ces quatre personnalités que je viens de citer, elles sont très importantes pour le retour du style gothique et pour la connaissance et du coup l'amour du style gothique. Eh oui. C'est très important. Voilà. Bon, on va avoir d'importants châteaux comme Pierrefonds qui vont être complètement recréés. Et puis, on va avoir quelques exemples intéressants, si je peux me permettre de vous les citer. Allez. Au niveau local. Alors oui, est-ce que je peux commencer loin et je me rapproche Vas-y. Au niveau local? J'aime bien Vas-y, faire on ça, voyage. J'avoue. Allez, on commence par voyager. On va voyager forcément avec les précurseurs du néo-gothique, les Anglais. Le palais de Westminster à Londres. Ouais. Alors, une petite idée du palais de Westminster, on est dans les années 1830. À l'université d'Oxford également, il y a une tour qui s'appelle la Tom Tower, qui est une tour carrée avec une lanterne octogonale. Voilà, donc elle s'appelle même Great Tom, avec la cloche. Westminster, c'est si récent que ça, finalement. Westminster, mais tout à fait. Ah ouais, oui, oui. Alors, je vais te donner la date. En 1836, avec l'architecte Charles Barry et son collègue Augustus Welby Puggin, quasi achevé en 1847. Donc, vraiment, c'est hier, hein, par rapport à ce qu'on explore depuis le début de l'émission. Bah, oui, c'est hier. C'est vrai que le néo-gothique, c'est hier. Et moi, j'aime bien parce que c'est vraiment en lien direct avec le gothique. C'est la redécouverte et le nouvel amour qu'on va porter à l'architecture du Moyen-Âge et plus spécifiquement à l'architecture gothique. La basilique Saint-Nicolas de Nantes, qui est reconstruite en 1869. Un exemple aussi intéressant, la basilique Notre-Dame de la Treille, qui est dans le quartier du Vieux-Lille. Donc là, on va dans le nord de la France. Mm-hmm. Voilà, début des travaux en 1856. Donc tu vois, encore au milieu du 19e siècle. Allez, on retourne à Londres. Tower Bridge. Ce super pont qui est à proximité en plus de la Tour de Londres. Voilà, le comité pour la construction, c'est 1876 et les travaux 1886 à 1894. Oh, ouais. Donc, c'est il n'y a vraiment pas longtemps. Hein, non, clairement pas. Quand on regarde derrière nous. Et puis, allez, un petit peu plus récent, la Cathedral of Learning à Pittsburgh. Là, on est dans les années 1936. C'est un bâtiment de 40 étages, 163 mètres de haut, dans le style néo-gothique, à l'extérieur et à l'intérieur. Et c'est un des plus hauts bâtiments, un des plus hauts immeubles du monde qui est consacré à l'enseignement. Parce que là, on est encore une fois dans une université. Et puis, je finis pour les exemples en dehors de notre territoire par le Whitman College, à la très célèbre université de Princeton, dans le New Jersey. C'est un des 7 collèges résidentiels de l'université de Princeton qui a été achevé en 2007 par un architecte d'origine grecque, Demetri Portofyrios. Voilà. Et c'est vraiment un bâtiment complètement mais néo-gothique qui date de 2007. Donc encore aujourd'hui, on construit des édifices dans ce style néo-gothique. Donc on a bien fait de le redécouvrir au 19e siècle. Essentiel. Voilà. Alors du coup, chez nous, puisque c'était ta question première, mais c'est moi je digresse. Néo-gothique par chez nous, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on va retourner sur cet édifice que je cite sans cesse, l'église Saint-Laurent de Saint-Laurent-en-Gâtine, la grande maison de Saint-Laurent, construite à l'époque gothique, fin 15e, comme grande maison, comme logis presque de repos pour les seigneurs abbés de Marmoutier. Ce bâtiment menaçait presque ruine, et bien il a été transformé en église au 19e siècle, et bien sûr, tout ce qui est ajouté pour le transformer en église, ça va être dans le style gothique. Et comme on est au 19e, on va l'appeler donc néo-gothique. D'accord. Voilà, donc c'est l'architecte Gustave Guérin qui est chargé des travaux pour transformer la grande maison en église. Début des travaux en 1862, avec fin des travaux grossièrement en 1881, quand la tour d'escalier est transformée en clocher. C'était une tour d'escalier hors œuvre qui permettait d'accéder aux différents niveaux du logis. Mmh. Ça devient une tour clocher tout en haut. Voilà, donc ça c'est vraiment petite pépite. Hein. L'église de Mont-Louis-sur-Loire, Oui. Qui est une église avec une belle partie romane conservée. J'évoquais son chevet tout à l'heure. Oui, vous faites régulièrement des visites aussi animations. Très souvent. Eh bien, elle va avoir, par exemple, la partie supérieure de son clocher qui est exaucée suite à un legs, le legs d'Abraham Courtemanche, qui était un résident de la commune. Oui, bien sûr. Et ben voilà. On est, le legs est réalisé en 1834, donc dans la fin des années 1830. On a la partie supérieure du clocher réalisée en bois, superbe, dans un style totalement gothique. Sauf que comme on est au 19e, c'est du néo-gothique. Voilà, exactement. À Larçay, l'église Saint-Symphorien va, elle, être rallongée de 3 mètres. Donc son portail est détruit. On rallonge vers l'ouest l'église, on agrandit l'église de 3 mètres. On érige une nouvelle façade. Dans le style gothique, c'est une façade néo-gothique à Larçay également. Le château de Véretz. Ouais. Ah, alors le château de Véretz, il a une histoire assez ténue. On a un premier château fort, on sait qu'il existe, qui est démantelé en 1361. Au XVIe siècle, on a la construction d'un nouveau château dans un style entre fin gothique, tout début renaissance par le seigneur Jean de la Barre. Au XVIIIe, ce château est entièrement reconstruit dans la mode du XVIIIe siècle par le duc d'Aiguillon. Et puis finalement, au XIXe siècle, on reconstruit encore intégralement le château avec un architecte amboisien qui s'appelle Sylvain Philippe Châtaignier, qui est appelé pour ce chantier dans un style néo-gothique Tudor. Bon, alors néo-gothique, ça nous parle, c'est le gothique français, mais Tudor, c'est parce qu'on s'est aussi inspiré du style gothique Tudor anglais. Mmh. Voilà. Mmh. D'accord. Donc, il y a des châteaux aussi de style néo-gothique. Je pense là à Véretz, mais le château de la Chênaie à Athée-sur-Cher va avoir un décor néo-gothique ajouté sur la structure existante. Le château également de Beauvais à Azé-sur-Cher, très très beau château au bord de la rivière. Voilà, donc il y a tout plein d'édifices qui vont se voir soit construire dans le style gothique, donc néo-gothique, soit des édifices existants avec un décor néo-gothique qui va être appliqué, proposé. Et puis bah, bien sûr, hein, les verrières. On a l'apogée du vitrail avec, voilà, ça, on réfère à une autre émission, un autre épisode de Je peux pas, j'ai patrimoine. C'est vrai que le vitrail gothique, c'est très important. Mais du coup, au 19e, bah, il y a des vitraux néo-gothiques également qui vont apparaître avec... certains créateurs tourangeaux, les Julien Léopold ou Lucien Léopold Lobin, et puis Julien Fournier par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une passionnée qui vous parle toujours dans cette émission. C'est plusieurs passionnées d'ailleurs, parce que évidemment à chaque fois on a toujours des sujets intéressants et qui nous entraînent dans des voyages autour de notre patrimoine. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup. On rappelle les dates importantes. Le jeudi 26 février à 18h, ce sera à la salle Lila à Vouvray, donc le bâtiment Vallès-Fleur. Une conférence autour du gothique et du néo-gothique. Même si vous avez eu beaucoup d'informations dans cette émission, j'ai rien dit. Vous en voilà, vous régalerez à l'occasion de ces conférences où vous aurez en plus l'image, évidemment. Oui, bien sûr. Avec le son, c'est bien, mais le son avec l'image, c'est encore plus chouette quand on parle de décor et d'architecture. N'hésitez pas, c'est vraiment accessible à tout le monde, même quand on n'y connaît rien du tout en architecture, qu'on n'y connaît rien au Moyen Âge. C'est avec grand plaisir et les images parlent souvent d'elles-mêmes. Merci Marlène, encore une fois, de nous avoir conviés et de proposer des sujets qu'on essaie de mettre en avant sur le territoire. Avec plaisir, moi c'est un régal. Merci beaucoup Anna, on se quitte donc et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Je peux pas, j'ai patrimoine. À bientôt. À bientôt, merci.